Vous avez pensé à tout. Envoyer l'email à votre boss, récupérer les enfants à l'école, acheter le pain. Vous maîtrisez absolument, parfaitement, totalement la situation. Et puis, soudain, elle vous demande « Tu as pensé à commander du café ?» Découvrez l'abonnement Nespresso. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso. What else? What else? Quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la disparition du vol Air France 447 Rio-Paris le 1er juin 2009. Ce crash, dans lequel 228 personnes ont péri, reste la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire de la compagnie française. Durant plus de 2 ans, les raisons de cet accident restent inconnues. Disparu au beau milieu de l'océan Atlantique, dans une zone où les profondeurs atteignent parfois les 6000 mètres, la recherche de l'avion est un véritable défi. Parce qu'il faut donner une explication aux familles de victimes, c'est leur droit. Parce qu'il faut que de tout accident on tire le son, le fameux retour d'expérience, si utile, si précieux en aéronautique, les enquêteurs chargés de retrouver l'épave et ses précieuses boîtes noires se lancent dans une opération longue et périlleuse, un véritable travail de bénédictin. Cette quête de la vérité sera marquée par d'improbables rebondissements, d'impensables maladresses, mais aussi par un dénouement que plus personne n'osait espérer. Voilà, c'est cette histoire qui hante l'aéronautique française aujourd'hui encore que nous allons vous raconter aujourd'hui. Nos invités Simon Kessler et Fabrice Gardel, les réalisateurs du documentaire intitulé AF, comme Air France bien sûr, AF 447, la traque du Rio-Paris, consacré comme son titre l'indique à l'histoire de cette longue recherche. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gaspard Velu, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous invitons tous les clients à embarquer immédiatement en porte-là. En ce matin du lundi 1er juin 2009, le soleil est sorti. Un jour férié comme un avant-goût de grandes vacances. Dans l'immense hall du terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, les voyageurs prêts à embarquer croisent touristes et parisiens sur le retour. Un balai de valises à la roulette propre à tous les grands aéroports internationaux. Devant les grandes portes automatiques des arrivées, des parents attendent leurs enfants et des chauffeurs de taxi, pancartes à la main, sont prêts à accueillir leurs clients. Un peu partout dans l'aérogare, des tableaux affichent les départs et arrivées d'avions venus du monde entier. Bref, scène de vie ordinaire dans ce genre d'endroit qu'on appelle un aéroport. Peu avant midi, un avion reste affiché retardé. Attendu à 11h10, le vol AF-447 en provenance de Rio de Janeiro au Brésil ne s'est toujours pas présenté sur le tarmac de Roissy. Là encore la routine, le retard d'avion c'est la norme partout dans le monde. Et si les passagers pouvaient subir en silence, ce serait encore mieux, lesquels d'ailleurs se font rarement prier. Ainsi les minutes passent et toujours aucun signe de l'Airbus d'Air France. On est bon pour poireauter, comme d'habitude. Quand soudain, on passe de l'énervement à l'inquiétude. Et là, changement de ton et d'atmosphère à Roissy. Le message suivant est diffusé dans les haut-parleurs du terminal. À toutes les personnes attendant l'arrivée du vol Air France 447 en provenance de Rio, de bien vouloir se présenter au comptoir d'information Air France. L'angoisse s'installe et rapidement, l'information que tout le monde redoutait arrive. France Inter. La nouvelle est tombée il y a un peu plus d'une heure. Un avion d'Air France qui assurait la liaison entre Rio de Janeiro et Paris a disparu des écrans radars ce matin au large du Brésil. Le vol Air France 447 était parti de Rio avec 216 passagers et 12 membres d'équipage. Cet Airbus A330 était attendu à Roissy en fin de matinée. Roissy, où l'on retrouve tout de suite Géraldine Allo. Dans un communiqué transmis à la presse vers 14h, Air France explique que son avion, un Airbus A332-100, a disparu des écrans radars depuis le milieu de la nuit. Très vite, les familles des passagers sont prises en charge et dirigées vers une cellule psychologique mise en place dans un lieu tenu secret aux abords de l'aéroport. Au sein de l'état-major d'Air France, l'incompréhension est totale. Cela fait déjà près de 6 heures que l'avion et son équipage ne se sont pas manifestés. Pourtant, après un décollage sans encombre et un début de vol de routine, les pilotes communiquent avec le contrôle aérien de Recife, dernier point de passage continental, avant la traversée de l'Atlantique. Ils transmettent les informations réglementaires et sont invités à prendre contact avec les autorités sénégalaises. Rien à signaler donc. Sauf que le contact avec les contrôleurs aériens africains n'aura jamais lieu. Lors de ce dernier contact entre la compagnie française et l'avion, il vole à environ 500 km des côtes brésiliennes. L'ordinateur de bord transmet alors une série de 24 messages d'erreur, signalant des pannes mineures ou en tout cas des défaillances à traiter. Ces messages n'ont rien d'inquiétant. Une équipe technique est prête à intervenir pour remettre l'avion en état. Rien ne pouvait donc laisser présager d'une disparition si soudaine. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. En quelques instants seulement. Oui, l'avion a disparu. Qu'a-t-il bien pu se passer au-dessus de l'Atlantique ? L'attention se tourne vers l'équipage, mais rien ne semble indiquer un quelconque problème. Le commandant de bord, Marc Dubois, est un pilote chevronné. À 58 ans, il compte près de 11 000 heures de vol, dont plus de 1200 sur Airbus. Son premier copilote, David Robert, 37 ans, a plus de 6500 heures de vol à son actif. Et le second copilote, Cédric Bonin, 32 ans, le moins expérimenté des trois, a déjà passé plus de 3000 heures dans les airs. L'état de l'avion ne semble pas non plus poser problème. Livré en 2005 à la compagnie, cet Airbus A330, immatriculé F-GZCP, sort même d'un contrôle technique réalisé un mois et demi plus tôt. Avec ses 19 000 heures de vol, il est fiable, cet avion robuste. C'est l'un des appareils d'ailleurs les plus sûrs de la compagnie, l'un des fleurons du constructeur européen. Rapidement, la possibilité d'un détournement ou d'un attentat est écartée. Parmi les 212 passagers, 34 nationalités, 62 Français, 58 Brésiliens et 26 Allemands. Là encore, rien à signaler. Non, c'est bien une autre piste qui se dégage, celle des conditions météo. Une théorie expliquée sur France 2 par Gérard Felzer, ancien pilote et expert aéronautique, au lendemain de la disparition d'avion. On connaît désormais la zone approximative du dernier contact radio. Une zone de forte turbulence, connue des pilotes et des marins, qu'il appelle le poteau noir, car vu de loin, on ne voit qu'une colonne sombre. Et avec le réchauffement climatique, le phénomène pourrait prendre des dimensions inédites. Avec le réchauffement climatique, on arrive à des choses monstrueuses qui nous dépassent. Le seul objectif pour le pilote de tout temps, et encore plus aujourd'hui, c'est de ne pas rentrer dedans. Mais il arrive un moment, on se fait piéger. Les conditions météo n'étaient certes pas complètement favorables, mais cela fait des années que les avions de ligne traversent le poteau noir, sans problème majeur, ni problème tout court. Pour les familles de victimes d'abord, mais aussi pour Air France et Airbus, il est donc impératif de lever le voile sur cette disparition qui reste mystérieuse. Ça paraît évident. Mais n'oublions pas non plus que les enjeux industriels et commerciaux sont colossaux. La gestion d'une tragédie comme celle-là n'est pas qu'humaine. tout cas, et comme il se doit, les investigations sont immédiatement confiées au bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, mondialement connu et reconnu. Pour les enquêteurs, l'objectif principal est de mettre la main sur les deux enregistreurs de vol de l'Airbus, les fameuses boîtes noires ou mouchards qui détiennent la clé du mystère. Chacune des boîtes a une mission spécifique. L'une enregistre l'intégralité des données de vol de l'appareil, alors que l'autre capte les discussions dans le cockpit. Équipées de balises, elles émettent un signal qui permet de les localiser. Mais voilà, ce fameux signal ne sera émis que durant 30 jours, 40 peut-être, si la chance est du côté des enquêteurs. La course contre la montre est donc lancée. Dans les heures qui suivent la disparition, la mobilisation abolit les frontières. Les Brésiliens ont déjà dépêché d'importants moyens aériens et maritimes, dans l'espoir de retrouver l'avion ou d'improbables canaux de sauvetage. La France, elle, envoie sur place deux navires militaires, ainsi que l'Émeraude, un sous-marin nucléaire d'attaque, équipé des meilleurs outils acoustiques. Le BEA, qui coordonne les opérations, commence par délimiter une zone de recherche. À partir du dernier point connu de l'avion, on trace un cercle de 150 km de diamètre, 17 000 km², qu'il faudra ratisser de long en large. La zone est vaste, le relief sous-marin escarpé mal connu, mais si l'avion s'est bien abîmé, il est quelque part par là, c'est certain. Dans l'esprit des enquêteurs du BEA, il n'y a qu'une seule solution, trouver l'appareil, bien sûr. Comme l'explique l'enquêteur Arnaud Blanc et le directeur du BEA, Paul-Louis Arlagnan, dans le documentaire de Simon Kessler et Fabrice Gardel, AF-447, la traque du Rio Paris. Il faut qu'on trouve. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve. On a 30 jours pour trouver, il faut qu'on trouve. Et on avait tous les moyens, on avait les meilleurs moyens possibles, à bord et sur les autres navires, pour trouver. Cet accident, ses causes, est-ce qu'en les comprenant, nous pouvons en éviter d'autres ? Est-ce qu'il n'y a pas actuellement d'autres avions qui risquent d'avoir un accident, peut-être pas identique, mais comparable? Pour parvenir à ses fins, le BEA affrète un navire scientifique, le Pourquoi Pas, et les bâtiments d'exploration Fairmont Glacier et Fairmont Expédition. À bord, les équipes embarquent deux hydrophones, un outil acoustique ultra perfectionné prêté par les autorités américaines. L'équipe de recherche dispose aussi de deux robots sous-marins capables de plonger jusqu'à 6000 mètres de fond. À ce moment-là, personne ne doute que l'on retrouvera l'épave. Les premières traces de l'avion apparaissent dès le 6 juin, quelques jours seulement après la disparition. Les autorités brésiliennes et françaises commencent à s'y retrouver des débris. Un siège, des morceaux de fuselage, mais également l'imposante dérive aux couleurs bleues, blanc et rouge. Il y a aussi des victimes, les premières qui seront retrouvées. 50 corps sont ainsi ramenés sur la terre ferme. L'un d'eux a toujours son billet siglé Air France dans la poche. Pour faire avancer l'enquête, le BEA envoie l'un de ses membres à bord du navire français le Mistral. C'est dans les immenses cales de ce bâtiment militaire que sont entreposés les plus gros débris. Une scène captée par les caméras du BEA est présente dans le documentaire AF-447, la traque du Rio Paris. C'est la 1015. Un carénage de mon réacteur. Les masques, oui, masque, même oui. Ceux qui sont tombés, oui. Ils ne sont pas dépliés. Non, parce qu'ils sont encore repliés. Oui, les sachets, on voit bien qu'on n'a pas respiré dedans. Quoi. Ils n'ont pas été déclenchés. C'est-à-dire, normalement, après, tu tires et tu as le. Tu ouvres le robinet pour ouvrir l'oxygène. Il y a beaucoup de pièces cabine, hein, avec le décor cabine. Mais là, attends, ça, c'est où, justement ? En soute-arrière. Soute-arrière. Non, c'est un conteneur amovible. Ah, d'accord. Ces débris permettent d'y voir un peu plus clair. Mais malgré cela, malgré les immenses moyens mis en place, l'avion reste introuvable. Le 10 juillet, 40 jours après la disparition de l'Airbus, la première phase de recherche prend fin. Il n'y a désormais plus aucune chance pour que les boîtes noires continuent d'émettre le signal que tout le monde tente désespérément de localiser. Il faut donc changer de stratégie. Une quinzaine de jours plus tard, une nouvelle campagne de recherche débute. Cette fois, les scientifiques misent sur un système acoustique remorqué, une sorte de petit sous-marin relié au navire par un long câble. Mais dans une zone où les reliefs sous-marins sont comparables aux Alpes, la tâche s'annonce compliquée. De fait, au bout d'un mois, les enquêteurs n'ont toujours pas la moindre piste. Le 17 août 2009, plus de trois mois après la disparition de l'avion et de ses 228 passagers, la seconde phase de recherche prend fin. Mais les enquêteurs refusent de déposer les armes. Ils préparent déjà la future mission. Cette troisième phase de recherche débute au mois d'avril 2010, neuf mois après le drame. Cette mission peut être la bonne pour les enquêteurs du BEA. Ils ont travaillé durant des mois avec des scientifiques du monde entier. Ils ont étudié les courants marins pour déterminer le point de départ de tous les débris retrouvés. Les résultats sont concluants. Et grâce à cette étude, ils délimitent une nouvelle zone, située celle-là au nord-ouest du cercle tracé lors de la première phase. La découverte est prometteuse. La zone de recherche passe de 17 000 à 2 000 km². Autant dire que la tâche paraît tout de suite moins insurmontable. Le 2 avril 2010, deux navires affrétés par le BEA arrivent sur la nouvelle zone de recherche. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, trois nouveaux outils de détection sous-marine sont mis à la disposition des enquêteurs. Des drones sous-marins baptisés Remus. Ils ont été conçus par un institut océanographique américain réputé dans le monde entier. Grâce aux milliers de photos qu'ils réalisent pendant les plongées, plus rien ne peut échapper aux équipes de recherche. Si l'avion est là, impossible de le manquer. Alors, sans attendre, les drones sont envoyés fouiller les fonds marins. Mais le 6 mai, un peu plus d'un mois après le début de cette troisième phase de recherche, un incroyable retournement de situation se produit. France Inter. Du nouveau dans l'enquête sur la catastrophe du vol Rio-Paris, il y a presque un an dans l'Atlantique, la Marine nationale dit avoir localisé les fameuses boîtes noires de l'Airbus d'Air France qui s'est abîmée en mer avec 228 personnes à bord. Ce sont des recherches menées l'été dernier qui auraient permis de localiser les boîtes noires, mais seul un nouveau décryptage plus récent a permis d'en avoir la certitude. Écoutez les précisions du commandant Hugues d'Argentré, porte-parole de la Marine nationale. Il est au micro de Stéphane Faure. Le sous-marin Emerald était sur zone pendant un mois l'année dernière, entre le 10 juin et le 10 juillet, et il a enregistré tout ce qu'il a trouvé à ce moment-là. Alors, on sait à quelle heure a été fait cet enregistrement, quel jour, et on sait où était le sous-marin à cette heure-là, et donc on sait que la boîte noire est dans une surface de l'ordre de 100 km², c'est à peu près la surface de Paris. Les équipes du BEA n'en reviennent pas. Personne au sein du bureau n'avait été informé de cette découverte. Alors, que penser de l'information? Eh bien, elle mérite d'être creusée, tout au moins. Mais le lieu pointé par le sous-marin se trouve à 2 jours de navigation au sud de la position actuelle. Et cela va totalement à l'encontre de l'étude menée depuis plus de 6 mois. Et si jamais l'information de la marine est erronée, des jours entiers de recherche auront été gâchés. Mais la décision est prise et les navires mettent le cap au sud, là où un an plus tôt, le sous-marin Emerald avait réussi à capter le signal des précieuses boîtes noires. Une fois arrivés sur le point GPS fourni par la marine, les équipes de recherche mettent à l'eau les trois Remus. Durant 2 jours, ils fouillent la zone dans ses moindres recoins, mais toujours aucune trace de débris et encore moins de boîtes noires. Quelque chose cloche. Et après 3 jours de recherche acharnée, l'équipe en mer reçoit un coup de téléphone d'un membre du bureau au Bourget. Un échange téléphonique immortalisé par une caméra du BEA. Allô ? Donc on voulait vous informer un petit peu des derniers rebondissements. Donc vous êtes bien, comme on dit, vous êtes bien assis ? Bah écoute, oui, on est bien assis, ouais. Très probablement, le sous-marin a enregistré des sons qui venaient de l'intérieur du bateau. Très probablement un opérateur qui se faisait l'oreille sur un enregistrement de pinger. C'est ce qu'on craignait et c'est ce qui semble vraiment se produire. Alors que la découverte de la Marine nationale avait été annoncée dans tous les médias, cette erreur de communication est dramatique. Les familles des victimes sont désespérées, pointent du doigt l'incompétence des autorités. Certains commencent même à douter de l'intégrité du BEA. Les proches des disparus se posent alors une question. Air France et Airbus ont-ils vraiment intérêt à révéler la vérité? L'une des plus grandes compagnies mondiales et le principal avionneur européen ne veulent peut-être pas révéler une défaillance collective qui risquerait de mettre en péril leur activité commerciale. Et après tout, au bout d'un an de recherche infructueuse, le soupçon peut paraître légitime. C'est en tout cas l'avis d'Alain Jakubowicz, avocat d'une association de familles de victimes. Les juges d'instruction sont entre les mains du BEA, sont entre les mains d'experts dont nous avons dénoncé une forme de consanguinité, car effectivement, tout le monde se connaît, tout cela on l'a déjà dit, les experts sont des anciens d'Air France, des anciens ou actuels de la DGAC. Enfin, y a-t-il une véritable volonté que toute la lumière soit faite sur ce drame? C'est ça la vraie question. Et les équipes de recherche continuent de fouiller l'océan. Mais le moral est au plus bas. On vient de perdre 8 jours de recherche précieuse pour une erreur colossale qui aurait pu être évitée. Et finalement, au terme des 2 mois initialement prévus, les enquêteurs doivent se résoudre à mettre fin à cette nouvelle expédition. De retour à Paris, les équipes du BEA cherchent à comprendre comment la dernière campagne a pu être un tel échec. Les calculs de courant étaient pourtant formels. L'avion se trouve dans la zone délimitée au nord-ouest du cercle. Alors, on décide de tenter une expérience. On largue une série de bouées équipées de balises GPS sur la zone. Il suffira d'observer où elles se dirigent. Mais le sort s'acharne. Les enquêteurs s'aperçoivent que dans cette partie de l'océan Atlantique, les courants sont totalement aléatoires. L'étude ne tient pas. La découverte jette un froid sur l'enquête et désespère encore un peu plus les proches des victimes qui, depuis un an, plus d'un an même, attendent de connaître la vérité. Après les 3 premières campagnes de recherche infructueuses, le coût d'opération s'élève déjà à 21 millions d'euros. Et difficile de savoir s'il sera possible de lancer une nouvelle expédition. Face à cette situation, les familles des 228 disparus expriment leur colère. Ce que comprend d'ailleurs Martine Del Bono, responsable de la communication du BEA à l'époque, qui témoigne dans le film AF-447, La traque du Rio-Paris. Vous vous rendez compte, plus d'un an sans avoir aucune trace de la mort de l'être cher, c'est inconcevable. D'un BEA qui se dit être à la pointe, qui est reconnu à travers le monde, etc. C'est pas possible. Et donc la perte de confiance a été presque radicale. Ça pouvait pas être autrement. Vous nous dites, et il n'y a pas de résultat. Et en même temps, j'ai toujours pas la preuve de la mort de mon fils, de ma fille, de mon oncle, de mon mari, de mon épouse. C'est logique. Go on slow, go on slow, whoa, go 18h38, le journal de Bernadette Chamonaz, et l'on reparle du vol Rio-Paris, l'avion d'Air France qui s'est abîmé en mer il y a un an et demi au large du Brésil. Vu que l'épave n'a jamais été retrouvée, malgré trois phases de recherche, eh bien, il y en aura une quatrième. Oui, le bureau enquête analyse a en effet reconnu hier qu'il n'avait pas cherché au bon endroit. Il va donc entamer le 18 mars, cette quatrième phase de recherche, à laquelle tiennent bien sûr énormément les proches des 228 victimes, dont 72 Français, même si, bien sûr, il n'y a toujours aucune certitude. C'est donc 21 longs mois après la disparition du vol AF447 que le BEA annonce la reprise des recherches. Il a fallu convaincre Airbus et Air France, tout juste mis en examen pour homicide involontaire, et de mettre la main à la poche pour financer cette ultime tentative. Pour cette campagne, dont on sait qu'elle pourrait bien être la DRDDR, le BA décide de tout remettre à plat. Pour y parvenir, le directeur Jean-Paul Troadec, directeur du BEA, met toutes les chances de son côté et fait appel au Woods Hole Oceanographic Institution, celui qui a découvert l'épave du Titanic. Ces pionniers de l'exploration sous-marine sont aussi les concepteurs d'Eremus, utilisés lors de la présente phase de recherche. Et cette fois, ils sont de la partie. La méthode annoncée est simple, méthodique, pragmatique. À partir de la dernière position connue de l'avion, les équipes du BEA et du Woods Hole vont ratisser nos zones de 10 000 km² et ils n'hésitent pas à l'affirmer, ils le repasseront deux fois s'il le faut. Voilà, ils sont confiants, ils trouveront l'épave du vol Rio-Paris. Le 24 mars 2011, l'équipe arrive sur zone à bord de la Lucia, un imposant navire scientifique. Les Rémus sont mis à l'eau. Et au bout de 9 jours, les premiers signaux positifs arrivent. Les scientifiques détectent une trace intrigante captée par le sonar. Une forme qui se détache clairement du fond de l'océan. Et les photos de cette zone sont claires, limpides. On y voit un train d'atterrissage, des morceaux de carlingue, une porte d'avion. C'était donc là, un lieu situé à 12 km seulement du point de départ de l'expédition, celui de la dernière position connue du Rio-Paris. La quasi-totalité de l'épave se trouve sur une zone longue de 600 mètres. L'état-major du BEA et le gouvernement sont immédiatement alertés. Les familles victimes, elles aussi, reçoivent l'information. Une information maîtrisée, cela dit, pour ne pas les choquer avec d'inutiles détails. Mais encore une fois, la communication autour de l'enquête va déraper. Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie et des transports, est notre invitée jusqu'à 9h05. D'abord, je reviens d'un mot sur le crash du Rio-Paris. Vous avez dit tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'une grande part de l'avion d'Air France, une grande part de l'avion, avait été retrouvée. Est-ce qu'on a des traces des victimes de cette catastrophe? On a plus que des traces, en fait. On a des corps. C'est-à-dire qu'il reste des corps dans la partie qui a été retrouvée. Donc c'est l'habitacle de l'avion? C'est une partie de l'habitacle de l'avion. Pas forcément l'ensemble, mais probablement... enfin, je suis pas technicienne, mais tout n'a pas explosé, si vous voulez. Il y a une partie de l'habitacle, et dans cette partie de l'habitacle, il y a des corps. Un grand nombre de corps? Il y a des corps. La prise de parole de la ministre choque les familles et l'opinion publique. Malgré tout, Alain Bouillard, chef de l'enquête au BEA, se rend sur place pour coordonner l'avancée des recherches. Dans les jours qui suivent son arrivée, une première boîte noire est identifiée. Elle est remontée à bord. Le lendemain, c'est la seconde qui est repêchée. L'enregistreur de données et l'enregistreur de conversation sont mis sous scellé et envoyés en urgence à Paris. Mais un doute persiste. Piégé sous l'eau depuis près de 2 ans, par 3900 mètres de fond, vont-elles fonctionner? Vont-elles livrer leurs secrets? Seront-elles en mesure d'offrir une explication sur cet accident qui obsède les familles, la presse internationale et des enquêteurs qui, depuis 2 ans, en ont fait leur raison de vivre professionnelle, leur but ultime et quasiment sacré? Le 16 mai 2011, dans un petit laboratoire du Bourget, les scientifiques du BEA s'apprêtent à ouvrir les précieux enregistreurs. L'opération est filmée. Tout le monde retient son souffle. Malgré une odeur de vase qui s'en échappe, les cartes mémoire semblent être en bon état. Après plusieurs heures de séchage, elle s'apprête enfin à livrer les secrets du vol AF-447. Et l'enregistreur de données fonctionne, et il commence à livrer son flot d'informations. Puis c'est au tour de l'enregistreur de conversation du cockpit. Assis autour d'une table, les équipes du bureau portent un casque audio sur les oreilles. Un moment d'une rare émotion, comme le raconte Alain Bouillard dans le documentaire de Simon Kessler et Fabrice Gardel. Nous étions pétrifiés. Nous étions blancs. À la fin de l'écoute, nous sommes restés peut-être un quart d'heure. Personne n'osait se regarder, personne n'osait parler. Nous avions vécu le crash de l'Air France 447 en direct. Une fois l'émotion passée, les membres du BEA entrent au cœur de leur enquête. Que s'est-il passé dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009? Pour quelle raison le vol AF-447 reliant Rio à Paris a-t-il disparu de manière si soudaine? Les enquêteurs découvrent que les trois premières heures de vol se déroulent sans encombre. Vers 3h du matin, heure française, l'Airbus A330 entame sa traversée d'Atlantique. Après avoir fait le point réglementaire avec ses copilotes, le commandant de bord prend sa pause. Cédric Bonnet et David Roberts sont alors aux commandes. Sur leur route se dresse une imposante dépression, les fameuses turbulences du pot au noir. Ils préviennent alors l'équipage en cabine qui s'assure que les passagers sont bien attachés. Les deux copilotes décident d'opérer un léger décalage vers l'ouest pour tenter d'éviter le gros de la dépression. Mais ils pénètrent finalement dans la zone. Des cristaux de glace se forment alors sur les sondes pitot. Ces sondes, pointées du doigt dès le début de l'enquête, sont situées à l'extérieur de l'appareil et permettent à l'avion de calculer sa vitesse. Mais les indications sont faussées et le pilotage automatique se désengage. Cédric Bonin, le second copilote, est aux commandes. Il cabre l'avion afin de prendre de la hauteur, mais son angle de montée est trop important. Rapidement, l'avion qui naviguait à 10 700 mètres monte à près de 12 000 mètres. Trop haut, trop vite, l'Airbus perd de sa portance et commence à décrocher, à tomber. Une alarme prévient les pilotes, mais avec un système de navigation défaillant, ils ne savent plus quoi penser. Le commandant de bord, appelé quelques instants plus tôt, fait son retour dans le cockpit. Mais il est déjà trop tard. Dans la nuit noire, en plein cœur de l'orage, les pilotes ne réalisent pas qu'ils sont en train de chuter à grande vitesse. 4 minutes seulement après que le pilotage automatique s'est désengagé, l'avion percute l'océan. Comme souvent, dans une catastrophe aérienne, c'est un enchaînement d'incidents qui provoque le drame. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire, mais je n'y comprenais rien. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la catastrophe de l'avion d'Air France 447 Rio-Paris avec nos invités. Ils sont deux aujourd'hui, Simon Kessler et Fabrice Gardel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les réalisateurs du documentaire AF447, la traque du Rio-Paris, consacré, comme son titre l'indique, à l'histoire de cette longue recherche, film qui sera rediffusé le 6 juin, c'est-à-dire jeudi, hein, dans 3 jours sur Planète Plus et en accès sur MyCanal. Voilà, profitez-en pour le voir. Alors, on a largement puisé dans votre documentaire, mais si on s'est pas gêné, bien avec votre permission évidemment, et nous l'avons souvent cité, ce qui était normal. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la genèse de ce film, les images récupérées, l'intention éditoriale. Simon Kessler. Oui, alors la genèse de ce film, c'est un déjeuner entre notre producteur Bernard Vaillot et l'ancien directeur du BEA Jean-Paul Troadec. Un déjeuner au cours duquel Jean-Paul Troadec révèle à Bernard que toute l'enquête de la F447 a été filmée de bout en bout et que ces images n'ont jamais été montrées au grand public. Pour nous, c'est très rare. Quel trésor de tomber là. Quel graal. En fait, progressivement, on a obtenu les autorisations d'aller d'abord voir ces images et puis de les exploiter. En fait, c'est très concrètement quelques cassettes dans des vieux cartons de déménagement, dans les sous-sols de l'ECPAD au Fort d'Ivry. Voilà. C'était assez romanesque. L'ECPAD, rappelez-moi. L'établissement. Des archives militaires. Ah, merci. Pardon. Oui, donc voilà, c'est le point de départ du film, c'est ces cartons. Et un an plus tard, on avait un film de 90 minutes. Fabrice. Non, sur les intentions, d'abord, je trouve que formidable le récit que vous avez fait de ça. On a nous-mêmes, alors qu'on connaît bien l'histoire, ça nous a remis là-dedans. Et moi, ce qui m'a frappé en écoutant tout ce très beau récit que vous avez fait, c'est que je trouve que cette histoire cristallise l'époque. Nous, on la raconte de l'intérieur avec ses archives, mais on voit la pression médiatique, les journalistes qui veulent savoir très vite, c'est leur boulot, mais voilà. On voit les politiques charognards, on a entendu Kosciusko Morizet, on voit les théories du complot, évidemment, les familles veulent savoir, elles ne comprennent pas. Et nous, on a suivi l'humanité de ces gens du BEA, qui pendant 2 ans vivent nuit et jour, littéralement pour cette affaire. Et je trouve que ce qui est formidable dans cette histoire racontée de l'intérieur, c'est que voilà, on a une sorte d'instantané de l'époque à travers une histoire incroyablement à la fois terrible et romanesque qu'on a vue dans votre reportage. Simon Kessler, qui sont ces gens du BEA? C'est quoi leur psychologie et d'où ils viennent? Les gens du BEA, c'est pour beaucoup des ingénieurs aéronautiques, des pilotes pour certains d'entre eux. Ce sont des gens qui, je l'ai découvert en discutant beaucoup avec eux, ont plus qu'une expertise, une forme de philosophie, une manière de voir le monde. Et ça paraît un peu pompeux quand je le dis comme ça, mais en fait, moi j'ai découvert une autre façon de penser. Par exemple, c'est très humain de vouloir trouver une cause à un événement. Les ingénieurs du BEA vont à rebours de cette conception-là. Ils ont une approche systémique de la réalité. Leur idée, c'est de décortiquer, lorsque se produit un événement, de décortiquer l'enchaînement des causes qu'il a produit, la combinaison de facteurs. Et le moindre rivet, ça c'est fascinant, pardon de couper, mais le moindre rivet peut donner des indications incroyables sur ce qui s'est passé. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a une contradiction entre la façon dont fonctionne l'opinion publique, la façon dont fonctionne la presse, la façon dont fonctionnent les familles de victimes, pour certaines d'entre elles, et le travail du BEA qui a cette approche systémique et qui refuse de réduire la réalité à des hypothèses. Fabrice, en écho à ce que vous disiez à l'instant, il faut rappeler quand même qu'il y a quelques semaines seulement que l'enquête judiciaire s'est vraiment terminée, enchaînement de conséquences, donc responsabilité partagée, une enquête qui a été menée par de grandes étapes, dont celle que nous avons racontée tout à l'heure, la première remontant à 2011. On l'a appris hier, Air France et Airbus ont été convoqués par la justice le 17 mars dans le cadre de l'enquête sur le crash du vol Rio-Paris, c'était en juin 2009. La juge d'instruction chargée du dossier a annoncé la nouvelle hier aux familles. Airbus et Air France pourraient être mis en examen pour homicide involontaire. François Desplan. Selon les avocats des parties civiles, les magistrats instructeurs auraient assez d'éléments pour invoquer la responsabilité d'Airbus et d'Air France. Un premier pas en avant, mais en aucun cas une finalité pour Alain Jakubowicz, l'un des avocats des victimes. Aujourd'hui, on va avoir affaire à des mastodontes, à la puissance de tir d'Air France et d'Airbus. Mais ils vont se défendre avec de lourds moyens, de gros moyens, des moyens d'ailleurs que nous n'avons pas. Donc ça signifie pas nécessairement ni un renvoi devant le tribunal et encore moins une condamnation. Alors Fabrice Gardel, comment les gens du BEA travaillent dans cette pression? Parce qu'on voit que les enjeux sont industriels aussi, commerciaux, humains, ils sont... C'est de gros enjeux. Je trouve très intéressant cet extrait que vous avez pris parce qu'évidemment, on se met à la place des familles. Elles se disent, je comprends pas, ça fait un an et demi, qui cherche, il y a eu des millions, etc. Alors, vous connaissez cette époque pourrie aujourd'hui où chacun se dit, mais théorie du complot, il y a les industriels, il y a les... Voilà. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on voit ça de l'intérieur, on voit ces gens du BEA qui vraiment donnent leur nuit et leur jour pour ça. Et il y a une belle interview dans le film où le patron du BEA dit, est-ce que vous pensez que je vais risquer 30 ans de ma vie et mon honneur pour des pseudo-intérêts? Oui. Et je trouve que dans l'époque aujourd'hui, où les théories du complot fleurissent tous les matins, c'est très intéressant, ça casse les pattes, cette enquête, parce que ça montre bien qu'effectivement, il n'y a pas d'alliance, on ne va pas protéger, pour des raisons économiques, une enquête aussi importante. Ce serait oublier d'ailleurs le principe fondamental de retour d'expérience dans l'aéronautique, hein, l'accidentologie aéronautique, se nourrit aussi, hélas, enfin, la prévention se nourrit des accidents qu'il y a eu avant, hein, Simon Kessler, et ça c'est fondamental dans l'aéronautique. Oui, donc il faut être transparent, parce que si on n'est pas transparent, on peut pas profiter de ce retour d'expérience. Toute la démarche du BEA consiste à agir, mais à réfléchir rétrospectivement sur cette action. Il y a cette réflexivité permanente. C'est pour ça que dans les archives, d'ailleurs, il y avait beaucoup de réunions, des heures et des heures de réunions. On les a pas mises dans le film parce qu'elles sont pas toujours... spectaculaires et parfois elles peuvent être ennuyeuses, trop techniques. Elles sont parfois un peu ennuyeuses, mais voilà, il y a toujours cette façon qu'a le BEA de se réunir, de discuter pour non seulement agir, mais tirer les leçons en permanence de ses propres actions. In fine, le but du BEA, c'est de comprendre l'accident, mais c'est surtout d'émettre des recommandations. Ils en ont émis 41 dans leur rapport final pour améliorer la sécurité aérienne. Fabrice Gardel. Oui, il y a une chose sur laquelle je voulais insister, sur ce film qui va être diffusé sur Planète Plus et MyCanal, c'est l'humanité de ces gens. On a entendu dans votre reportage Martine Dalbono, il faut penser que ces gens sont en permanence en dialogue avec des familles qui ont perdu un frère, un oncle, qui ont été littéralement du jour au lendemain comme une bulle de savon disparue, sans corps. Voilà. Et c'est ces gens-là qui font l'interface, et c'est ces gens-là qui doivent répondre, et c'est ces gens-là qui ont l'humanité. Et ça, je trouve que c'est très important de reconnaître ça, parce que ce qui m'a frappé, c'est bien sûr des très bons ingénieurs, mais c'est surtout des gens extrêmement sensibles. Et l'autre chose qui m'a frappé sur la dimension humaine, c'est qu'on voit qu'à un moment, ils font appel aux meilleurs scientifiques en Chine, aux États-Unis. Puis ça marche pas. Alors ils se réunissent dans une salle, comme ici, et ils disent qu'est-ce qu'on fait? Et puis bêtement, ils vont prendre des ballons et ils vont regarder où vont les ballons. Donc, même dans une société hyper technique, hyper technologique, à un moment, il y a du bon sens, il y a de la réflexion, à la fois de l'humanité. l'humanité et de l'intelligence humaine. C'est le coup des bouées, oui, hein, oui, l'histoire oui. des bouées qu'on a raconté. Simon Kessler, je reviens sur le retour d'expérience, dont on n'est pas sorti d'ailleurs, sur les sondes pilotes, par exemple, qu'est-ce qu'on en a déduit? Est-ce qu'on a décidé qu'il y aurait d'autres sondes parce que celle-là n'était pas fiable? La preuve. En fait, les recommandations du BEA ont porté sur tout un tas d'aspects. Les sondes Pitot, bien sûr. Les sondes Pitot, bien sûr. Il y a le problème de givrage des sondes Pitot qui, a priori, a été réglé. On se souvient de ça quand même, hein. Ces sondes Pitot, oui, On se souvient de ça parce que c'était le seul indice qu'on avait. C'est-à-dire que très vite, on a compris qu'il y avait un problème des sondes Pitot. Ce n'est que l'exploitation des enregistreurs de vol. Qui a permis d'établir cette combinaison de facteurs. Donc, les sondes Pitot sont restées dans la tête des gens, à juste titre. Mais je crois qu'il ne faut pas occulter qu'elles s'inscrivent dans un système, dans une combinaison de facteurs. Voilà. Et il faut, aujourd'hui, on a la possibilité de s'intéresser à cet enchaînement de causes très précis et très long, en fait. Je ne rêve pas d'autres avions, mes souvenirs sont bons, d'autres avions devaient passer cette nuit-là par le poteau noir, qui n'est pas un poteau, hein, c'est Pau, P-O-T, eau noire, pour ceux qui pensent que c'est un poteau noir, se sont déroutés. Lui, cet avion-là ne s'est pas dérouté. Est-ce que ça a été l'objet d'une accusation des pilotes qui auraient dû passer, se dérouter, quoi, parce que d'autres l'ont fait. Vous vous souvenez de ça? C'est difficile aujourd'hui de se prononcer sur... Vous n'êtes pas dans l'enquête non plus. Sur cette question, ce qui est sûr, c'est que l'enchaînement des causes de l'accident, lui, a été découvert, a été compris, et il a été écrit dans le rapport du BEA. La question de la responsabilité de l'accident, est-ce que ce sont les pilotes? Est-ce que c'est la compagnie aérienne? Est-ce que c'est le constructeur? Elle est encore ouverte. Oui. Les enquêteurs ont rendu leurs conclusions, mais les familles sont toujours dans l'attente d'un procès. Elles ont encore manifesté le jour des 10 ans, le 1er juin 2009. Et donc voilà. Donc, cette question-là, en fait, parmi d'autres, là, quoi. En fait, les familles attendent des réponses et elles attendent que soit déterminé un responsable. Et il y a un point qui m'a paru aussi très intéressant, c'est que finalement, l'avion a été retrouvé assez proche des premiers débris. Ah oui. Alors évidemment, rétrospectivement, les familles ont dit, il y a une Allemande qui témoigne dans le film, mais je comprends pas, on leur avait dit, si vous perdez une aiguille, vous allez regarder à côté de vos pieds, vous n'allez pas regarder à l'autre bout de la salle. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que, je réponds à votre question précédente, rétrospectivement, c'est facile de refaire l'histoire. On dit, ben oui, on aurait pu. Mais on voit bien que dans le réel, voilà, il y a des hypothèses les unes après les autres. Donc, faut faire attention à ces lectures rétrospectives. Et ça, je trouve que journalistiquement, là aussi, c'est quelque chose d'intéressant dans l'époque, de se dire que le réel est parfois plus complexe que ça, voilà. Alors, le tournant dans les recherches, est-ce que ça a été l'arrivée de Woods Hole Oceanographic Institution, Simon Kessler? Ça a été un tournant parce que Woods Hole a développé, au cours de l'enquête, une invention qui s'appelle le Rémus, qui a un peu révolutionné la façon de travailler des enquêteurs. J'essaye de résumer, mais en fait, entre la phase 1 et, enfin, dans les deux premières phases, on sonde les fonds marins avec des engins qui sont reliés au bateau par un câble. Mm-hmm. Et donc, ça prend énormément de temps. Vous imaginez que pour ne serait-ce qu'effectuer un tournant, le câble fait 8 km, ça prend des heures. Tout d'un coup, avec Woods Hole, avec l'invention de Woods Hole, le Rémus, eh bien, on peut explorer les fonds marins de manière autonome. On a des espèces de drones sous-marins qu'on programme et ils vont tout seuls pendant plusieurs heures explorer les fonds marins, les scanner avec leur sonar. Donc, ça permet de couvrir des surfaces beaucoup plus grandes et d'aller beaucoup plus vite dans les recherches. Cela dit, je crois qu'il ne faut pas trop... C'est une histoire technologique, bien sûr, mais derrière la technologie, il y a de la stratégie. Et c'est avant tout une décision humaine de mettre de faire appel à ces robots, de faire appel à cette technologie, de les plonger dans l'eau là où on les a plongés dans l'eau. Voilà. Je crois que ce n'est pas non plus simplement la technologie. On ne doit pas cette découverte simplement à l'invention des Rémus, mais au bureau d'enquête, quoi. Oui, moi je voudrais revenir sur un point pour montrer aussi le respect de ces gens. D'abord, c'est une coopération internationale. Ils se tombent dans les bras quand ils voient ça. Ils pleurent presque. Et il y a le témoignage du mari d'une hôtesse de l'air qui dit vous avez fait ça, c'est admirable, bravo. Et je reviens sur le respect, c'est-à-dire qu'évidemment, au moment où ils trouvent l'avion, il y a des milliers de photos et donc il y a des photos de corps. Et évidemment, les gens du BAE ont une attention particulière pour garder ces photos, pour qu'elles ne soient pas exposées, reprises par les médias. Donc là, on voit, ces ingénieurs sont infiniment plus précautionneux que ces hommes politiques. On a vu qu'Ossisco Merizet, on a entendu tout à l'heure, qui va parler des corps qui sont encore en vie, qui ont des cheveux, voilà. Et donc, je pense qu'il faut rendre hommage au respect de ces gens qui pensent aux familles, qui pensent aux conséquences médiatiques. Non, cela dit, je voudrais tempérer un tout petit peu les propos de Fabrice. C'est vrai qu'on a essayé de mettre en valeur l'humanité des enquêteurs, leur respect, etc. Maintenant, ce qui a été intéressant en faisant le film, c'est que en discutant avec les familles de victimes, avec certaines des familles de victimes, disons, on découvre une très grande colère vis-à-vis du BEA. Et je crois que l'enjeu, c'était aussi de faire une place à cette colère, de donner la parole à ceux qui ont pu, et d'ailleurs parfois toujours, ont des soupçons vis-à-vis du BEA. Bien sûr. Donc voilà, il s'agissait à la fois de montrer l'humanité, le professionnalisme, mais aussi de faire une place à la critique. Et à partir de là, l'idée, et j'espère qu'on y est parvenu, c'était quand même de laisser le spectateur se faire sa propre idée. Et moi, je reviens sur ce point important. On a connu des catastrophes, pas forcément aériennes, qui ont été encore plus catastrophiques parce que un pays avait décidé de se débrouiller tout seul, hein, dans d'autres formes de catastrophes. Là, c'est une tradition dans l'aéronautique, cette solidarité internationale, parce que oui, immédiatement, les Brésiliens, les Américains, tout le monde s'y met. C'est une tradition ou c'est quelque chose de nouveau? Oui, je crois que il y a en particulier dans l'urgence qui suit l'accident, il y a une coalition internationale qui se forme, et je crois que dans des circonstances comme celle-ci, les frontières tombent en fait et les intérêts se rejoignent. Qu'il s'agisse du Brésil, de la France, des États-Unis, tout le monde. L'US Navy va prêter ses moyens également pour la première phase de recherche, et l'US Navy qui va prêter les deux hydrophones qui permettent d'écouter les pingers, qui permettent de tenter d'écouter sous l'eau le son pingers, des boîtes noires. C'est le son, le oui, son ce sont des ces petites noires. Balises situées sur les boîtes noires qui émettent un bruit pendant 30 jours. Et c'est sur l'écoute acoustique, c'est sur l'espoir d'entendre ces pingers qui a fondé la première zone, la première phase de recherche. Et là, vous parlez de dimension humaine, de volonté, de pugnacité. Il y a cet épisode extraordinaire de l'écoute des boîtes noires. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté les gens, des enquêteurs, sur ce moment-là? Il faut regarder le film parce que au-delà de ce qu'il raconte, il y a le visage de ces hommes. D'abord, il y a très peu de personnes qui ont le droit d'écouter ces bandes. Il y a moins de 10 personnes qui ont le droit de les écouter. Ensuite, elles sont retranscrites mais pas écoutées. Et il faut les imaginer, ils ont un casque sur la tête et ils écoutent en direct ces 4 dernières minutes. Et ils sont blancs. Personne ne se regarde, et c'est ce qu'on a entendu dans votre très beau reportage. Nous avons vécu en direct la mort de 228 personnes. C'est-à-dire qu'au sens propre, ils vivent en direct la mort de ces personnes et les derniers instants de ce que se sont dit les copilotes. Et ils ont l'intuition, il y a deux boîtes noires. Il y a une boîte qui est plus technique et une boîte qui retransmet les échanges. Oui. Et ils ont l'intuition depuis le début que ça va être cette boîte qui retransmet les échanges, qui va sans doute donner la clé. Et effectivement, c'était le cas. Enregistreur de conversation. Et je crois qu'il y a un film qui s'appelle La mort en direct. Et au sens propre, c'est ce qu'ils vivent. Oui. C'était une question qu'on s'est posée en faisant le documentaire, parce que c'est un moment à la fois clé dans l'histoire, et en même temps, c'est effectivement, il s'agit de quelques enquêteurs qui écoutent la mort en direct. Et donc, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Enfin, juste pour vous dire, en termes, dans la fabrication de notre documentaire, c'était une question. C'est une question parce que le crash du vol Rio Paris a fait l'objet d'un discours sensationnaliste permanent depuis 10 ans. Il y a eu énormément de choses qui ont beaucoup blessé les familles de victimes, y compris de documentaires d'ailleurs. Parce que on oublie que derrière cette belle histoire, cette histoire dramatique, cette histoire romanesque, je dis cette belle histoire dans le sens cette histoire romanesque, il y a une belle histoire dans la pugnacité des gens du BEA. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est derrière cette histoire pleine de rebondissements qui ressemble à un thriller. En fait, il y a la vie réelle de 228 personnes et de leurs familles qui aujourd'hui encore attendent des réponses. Et donc, un moment comme celui-là dans notre documentaire, il fallait prendre une décision. On a choisi de montrer effectivement cette image des enquêteurs et en particulier d'Alain Bouillard, le chef de l'enquête de sécurité, qui pour la première fois découvre le contenu de l'enregistreur de vol. Évidemment, on n'en a pas, nous, reconstitué le contenu, la conversation. Oui, donc c'est une façon qu'on peut... On ne va pas l'imaginer dans les détails, ce sera aller au contraire, à l'inverse de ce que vous dites, mais on rappelle juste que ce sont bien les vrais mots, ce que se sont dit les pilotes avant l'accident, qu'on entend. C'est ça la charge émotionnelle énorme, j'imagine. C'est oui. ça. C'est ça, il y a la dame allemande qui a perdu son fils, ça, et qui dit, c'est très beau je trouve, qui dit, je crois, d'après ce qu'elle a lu, je crois qu'ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas su. Ce sera le mot de la fin, Fabrice Gardel. Merci. Merci Simon à vous. Kessler. Merci. Fabrice Gardel, et on rappelle la rediffusion de ce documentaire jeudi sur Planète Plus et Canal, MyCanal. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le vol Air France Rio Paris, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait, et je m'en remercie, Tristan Gratalon.